close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Sur Fun Radio, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Merci d'être à l'écoute de la PIOR. On est là en forme pour la rentrée sur Fun Radio avec Fab. Présent. Sandro qui est là aussi, hey, aux manettes. Il y a Alison, la jolie demoiselle, la petite salut nouvelle. À tous. Carlo aussi, des infos, qui est en train de se bonsoir préparer. Et puis moi, la grande loseuse de l'après-midi. This is Audrey. C'est ça, je me suis levée ce matin, il y avait du soleil, j'étais heureuse, j'étais happy, un peu comme la PIOR. Et puis là, d'un coup, paf! Mon bonheur s'est évanoui. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai à la fois, en 24 heures, attention quand même, c'est une performance, j'ai à la fois fracassé mon ordinateur, j'ai cassé la vitre, donc okay. Voilà. Puis je me suis dit, ok, c'est nul. Ouais, mais ça... fallait pas frapper dedans non plus. Mais j'ai pas frappé dedans, Carlo, j'ai marché dessus, mais je suis un peu trop lourde. Ah, évidemment. Donc voilà, j'ai marché sur mon ordi, il est mort. Et puis en plus de ça, je viens à l'instant même, hein, c'est du live and direct, de casser mon iPhone. Voilà. Bon, maintenant après, ils sont raccord, hein. C'est une question d'esthétique au moins. Il n'y a pas de différence, pas de jaloux, c'est cool, mais voilà. C'est pas une légende, une meuf ça coûte cher. Bon, allez, ça va quoi. Bon, et quelqu'un d'autre a eu une petite loose de la journée, histoire que je sois pas toute seule, Sandro? Non, tout va bien. Vous moi êtes beaucoup trop heureux dans cette équipe, ça m'énerve. Ah, Carlo, t'as eu une loose. J'avais un rencard ce soir et ça annulait. Voilà, merci Carlo, toi t'es dans mon équipe. T'as demain. Bon, hey, comment ça se passe vous de l'autre côté de la radio? Est-ce que vous avez aussi une loose? Venez dans notre équipe, celle de Carlo et celle d'Audrey, ça va être génial. 30-44 pour vos messages, je vais tous les lire juste après les infos. Fun Radio. Et c'est le loser de Carlo qui s'y colle. Yeah. Bonjour Carlo. Hello Audrey la loser. Salut à tous. C'est de la surconsommation de médoc. C'est un sujet qu'on évoque régulièrement. J'en parlais encore pas plus tard que la semaine dernière à propos d'antidouleurs très puissants qui entraînent une dépendance, voire la mort dans certains cas. Et bien, dans un baromètre publié par les Mutualités Libres, on apprend aujourd'hui que les enfants et même les bébés prennent trop d'antibiotiques, ce qui peut favoriser, on le sait, le développement de bactéries résistantes et celui de l'obésité aussi et de l'asthme. Je parle donc bien de bactéries, hein. Faut quand même rappeler que c'est contre ces organismes-là que les antibiotiques sont censés être efficaces. Non, j'ai ça parce qu'il semblerait que certains les utilisent pour combattre les virus, ce qui ne sert absolument à rien. À noter aussi que près de 4 bébés sur 10 reçoivent des médicaments bronchodilatateurs, donc des aérosols en cas de bronchiolite, mais souvent ils ne sont pas nécessaires. Cela dit, cette surconsommation ne concerne visiblement pas tout le monde, hein, puisque d'après une enquête menée en Flandre, 40% environ des plus de 80 ans se voient prescrire trop peu de médicaments, ou alors les mauvais, à les comprendre. Les États-Unis viennent de mettre le régime syrien en garde. Bachar al-Assad n'a vraiment pas intérêt à s'attaquer aux troupes de la coalition internationale qui lutte contre Daesh dans le pays, sans quoi ça va barder. Les USA ont assuré qu'ils étaient prêts à abattre tout avion qui les menacerait. Pas question d'une interdiction de survol de la zone où opère la coalition, mais si l'aviation syrienne pouvait ne pas s'y aventurer, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Une mise en garde qui concerne également les appareils russes. S'ils menacent les troupes US, nous avons le droit de les défendre, a déclaré Peter Cook, porte-parole du Pentagone. Bon, ben, faut quand même espérer qu'on n'en arrivera pas là, hein, parce que si une troisième guerre mondiale doit éclater, j'aime autant que ce soit au 22e siècle ou même au 23e. Tiens, faut jamais être pressé dans la vie. Et à propos des États-Unis, on se pose la question de savoir qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump sera élu président en novembre prochain. Même ce qui serait très drôle, c'est que la réponse soit Alice Cooper. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est pas une femme hein, d'abord, contrairement à ce que son prénom indique. C'est un musicien vétéran du hard rock, il a 68 ans et qui vient de se déclarer candidat à la Maison Blanche avec le slogan « Un homme perturbé pour une époque perturbée ». Mais vu ses propositions, il ne doit pas penser une seconde qu'il a la moindre chance d'arriver à quoi que ce soit. Alice Cooper plaide notamment pour l'ajout au Mont Rushmore, vous savez cette falaise où ont été sculptés les visages de 4 anciens présidents, et plaide donc pour l'ajout de la tête de Lemmy Kilmister, le chanteur du groupe de rock Motorhead, mort il y a quelques mois. Et c'est d'autant plus absurde qu'il n'était même pas américain, Lemmy. De la part de Mr. Cooper, il s'agit donc purement et simplement d'une opération marketing. Fun Radio. Ah ben voilà, on n'est pas les seuls à avoir une loose, mon Carlo, aujourd'hui. Il y a un auditeur qui me dit « Je viens de reprendre ma voiture et avec la chaleur, il y a une bouteille de soda qui a explosé pendant que je roulais. » Courage à toi, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Si vous aussi, vous avez eu droit à une loose, allez-y, hein, balancez vos messages 3044. Hein. Oui, mon Carlo. Encore une loose, moustique qui s'attaque à ma main. Ah ouais, mais ça, c'est la période des moustiques. Hein. Ah. Ouais, je sais. Faut essayer de la citronnelle, ça marche bien, Carlo. D'accord. Bon, on fera les conseils de grand-mère un autre jour hein, sur Fun Radio. En attendant, on va plutôt faire la météo. Alors, quand moi j'avance pour te faire sortir dehors, toi tu recules, comment veux-tu que je te fasse ressentir la canicule ? Oh là ! Voilà. T'as eu peur, hein. T'as eu peur que je dise autre chose. Oui, j'ai eu très peur, oui. Donc, plus de 30 degrés demain, jeudi, vendredi. Génial. Évidemment, du soleil. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de Audrey et du son d'Imani. Salut ! Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. La Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my stare, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. We'll be right back. Bienvenue sur Fun Radio. Si vous venez de vous brancher, on est en mode Happy Hour avec le son de Soprano, Le Diable s'habille Pion Prada. On va se faire Hardwell aussi. Je vous balance tout ça juste après. J'aurais voulu être un artiste. C'est nouveau. J'aurais voulu être un artiste. Non, en fait, il pensait savoir chanter. On va vous montrer quand même. Et ouais, et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la relève. Maître Gims n'a qu'à bien se tenir. Oh, sa place, il est sur un siège éjectable, Maître Gims. Et ouais, parce qu'on est tombé sur Bernard, alias Bébert. Bernard. Oui, Bernard aime les pantalons en velours, les chansons de Maître Gims et les lapins. Non, mais blague à part, Bernard, il a posté une vidéo en train de chanter du Maître Gims. C'est quoi le titre, Sandro ? Ma beauté, le Ma tout beauté. Dernier. Bah oui, hein, vous l'avez entendu sur Fun Radio. Sauf que bah, la version de Bébert, alias Bernard, n'est pas tout à fait la même chose que celle de Maître Gims. Mais bon, il essaie, voilà, pourquoi pas. Non, mais continue mon gars, continue. Cette vidéo nous a fait tellement rire qu'on voulait la partager avec vous. C'est j'aurais voulu être un artiste, mais finalement t'aurais peut-être pas dû. Voilà Bernard, on vous le présente, c'est parti. Chanter une dédicace pour Zanka, Furious, Zelda, Asax, bah ouais. Ma beauté de Maître Gims. Bah vas-y, c'est parti, go. Allez. Allez, vas-y, ma biche, wesh, wesh, quoi. La beauté de Maître Gims, c'est parti, go. 3 secondes. 1, 2, 3. T'es pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Mais pourquoi on ne se moque pas. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mot. Je me suis laissé, ouais. Oh là là. Il a mangé quelques mots quand même. Et vous avez remarqué, c'est pas une reprise de Maître Gims, c'est une reprise de Maître Gims. Ah, Gims. Mais c'est horrible, on se moque pas, mais quand même. Si, si, moi je me moque. Oui, toi, tu je moque. Ok, alors on se moque un petit peu, juste un tout petit peu. Mais à quel moment tu te dis, je vais faire une vidéo, je vais devenir une méga star, ça va buzzer de fou. Mais c'est surtout qu'il a pas d'amis, mais il y a personne qui lui a dit, Bernard, fais pas ça, l'avais pas sur internet. Tu dirais, toi, à ton ami, s'il faisait un truc un peu chelou qui était pas si, cool. Si moi déjà, il chantait comme ça, il serait pas mon ami. Tu peux nous remettre un petit bout de Bernard, s'il te plaît, bah, juste pour le kiff. Allez, c'est parti. Laisse-moi devenir meilleur, laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi le rêve. Gâché maintenant, tu m'abandonnes. Mais tout gâché maintenant, tu m'abandonnes. Je méritais dans les rues du vagabond. Allez, bébé, Et il chante comme moi, j'applaudis. Il est trop horrible. Vas-y, bébé. Oui, il change la tête. Mais, faut écouter surtout la fin de la chanson. Ah, vas-y, fais péter. Tout gâché dans les rues et t'abandonne. Bah, j'espère que c'est dédicace, ça va faire plaisir. Ouais, merci. J'adore. Et à la fin, il nous fait une note comme dans, tu vois, genre une chorale, j'abandonne. Les choristes, il était dans les choristes, Bernard. Eh, hey, dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, si vous écoutez la Pierre, ce que vous en avez pensé de la prestation de Bébert. Oh là là, alias Bernard. Et d'ailleurs, hey, si vous connaissez des vidéos comme ça d'artistes, enfin en tout cas de ceux qui auraient voulu être un artiste, bah il faut les balancer, hein, comme ça on les passe à l'antenne de Fun Radio. Hein. Vous nous envoyez un petit mail, audrey@funradio.be, et comme ça on les balance sur Fun Radio. Et là on se fait Soprano, c'est Le Diable s'habille plus en Prada. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses dents. Plus sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job.

Là, c'est le moment où on plane tous ensemble. Allez hop, on écarte les petits bras et on fait l'avion. Les bras? Enfin, t'écartes ce que tu veux, ça me regarde pas. Ouais, fais avec les jambes si tu veux. Bon, allez, ils sont des Dancefloor, continue sur Fun Radio. Courage, on passe la fin d'après-midi ensemble avec Drake. One Dance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had the bus. Il y a aussi de parakeets. C'est nouveau. Mais même nous, on va découvrir en même temps. Parakeet médical, que vous. C'est des sparadraps, en fait... du mercurochrome. Des... Hey, on a de la réclamation là au 3044. Ah. Il y a Jus de Vielsalm qui nous dit: est-ce que vous faites gagner des places pour le concert de BBR? Ah, si, bien évidemment, la semaine prochaine. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, vous avez loupé le concert de BBR, alias la reprise de Maître Gims. Allez, c'est rien que pour vous, c'est pour moi, c'est cadeau. On met combien de gens dans cette salle de bain? Non, en plus, t'as l'écho, quoi. Il a fait, je suis sûre il a fait la vidéo dans sa douche. Des toilettes, voilà, il est dans les toilettes. Je le savais. Non, hey, Jude Vielsalm, j'ai pas de place pour Bébert. Je suis désolée, mais par contre, on vous envoie au concert d'Hardwell. C'est ce samedi. Si vous voulez choper vos places, c'est simple. Hein, vous envoyez maintenant concert par SMS au 6322. On se fera le tirage au sort, c'est promis. Avant la fin de l'émission, et là pour l'heure, on se fait le top 3. C'est parti. Il y a des gens dans la vie qui font des choses utiles. Ah, merci beaucoup. Et puis il y a Fab, il s'amuse à faire des tops qui servent à rien. C'est le top 3. Ouais. Sur Fun Radio. Je crois qu'on a une otarie dans le studio. Va me chercher un seau d'eau. Elle a soif, il faut l'hydrater. Vas-y. Vite. Tu veux une sardine? Vas-y, balance la sardine. Non, mais c'est parce que franchement, pour une fois qu'il y a une fille qui comprend, quoi, tu vois, qui est clairvoyante sur ce que tu fais. Ouais, c'est vrai tu que vous n'êtes pas rapide à comprendre, vos filles. Bon, tu nous as fait un petit top 3 de bonnes raisons de rester célibataire. Ça va plaire à tous ceux qui n'ont pas trouvé l'amour là pendant les grandes vacances. Hein. Eh ben ouais, ça aurait pu être un top 100 en fait. Il y a tellement de bonnes raisons. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Tout le monde s'efforce de rechercher l'amour. Bah oui. Une petite copine pour vivre à deux, main dans la main, se balader, faire des doudous. Pourquoi? Des poutou-poutou. Oui, mais non. Pourquoi? Bah pourquoi alors qu'on est tellement bien tout seul? Eh bien, moi, je vous ai sorti trois bonnes raisons de rester célibataire. Numéro 3. Numéro 3. Ah, ah ouais, c'est parce qu'on a mis dans l'espagnol parce que c'est les vacances, alors on fait un peu de tropical. Eh ben, en numéro 3, tu fais des putains d'économies. Son anniversaire, la Saint-Valentin, Noël, un chéri, j'ai vu un nouveau sac, un j'irai trop au resto ce soir, ni plus de chaussures, je voudrais du parfum. Tout cet argent que t'économises et que tu peux garder pour toi, pour des jeux vidéo et de la bière. Ouais. C'est bien une réflexion de mec, ça. Hein. Numéro 2. T'es plus obligé de relever à chaque fois que tu vas aux toilettes la planche. Y a personne qui viendra te faire chier. T'as pas relevé la planche. Tu peux en mettre partout. Secouer ton zgouigoui dans tous les sens. Ton sur les murs, le plafond, le carrelage. Moi j'aime bien cette petite couleur jaunâtre que ça donne. Oh, et y a personne qui vient t'emmerder quand ça sèche. Numéro 1. Et enfin, quand tu rentres tard le soir, y a personne qui t'attend en tirant la gueule dans son peignoir en pilou-pilou avec des hamsters dessus qui te cassent les pieds. Et si tu te sens seul, y a pas de problème. Il y a ton ami qui est là, ton meilleur ami qui ah lui bon ne t'abandonne jamais. C'est qui le meilleur ami? C'est YouPorn, n'importe quelle heure. Il est dispo, il est prêt. Et lui, quand tu sens la bière, eh ben, il ne te repousse pas. Il est là. Et ça, c'est beau. Yes. Merci Fab pour ces bonnes raisons de rester célibataire. Ça va peut-être vous remonter le moral. Là, de l'autre côté de la radio, pour ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses. Et d'ailleurs, c'est quoi, vous, les bonnes raisons de rester célibataire? Pourquoi vous êtes content d'être seul, d'ailleurs? Il y a peut-être bien des raisons. Toi, tu peux pas, Sandro, parce que maintenant, t'es casé. Eh oui. Ah, Alison. Ouais, ah. Je suis la seule du groupe, d'ailleurs. T'es quoi? T'es pas casé? Bah oui, je suis pas casé. Ah, bah voilà. Mais alors, une bonne raison de rester célibataire? On s'épile pas. Oh ouais. Ah, ça, c'est la vie. Oh, ça, c'est bien. Ça, quand on est une fille et qu'on n'est pas en couple, on laisse pousser en mode Chewbacca. Ah ouais. Moi, ça, mais c'est même top. Quand vous êtes en couple, vous laissez pousser. Oui, c'est ça. Ah, mais ouais, mais ça, c'est énorme. Et dites-moi, vous, de l'autre côté de la radio, c'est quoi les trucs que vous faites quand vous êtes célibataire? Allez-y, Libertad sur Fun Radio 3044 pour vos messages. Et on enchaîne avec le son de Drake. C'est One Dance sur Fun. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016, le plus grand événement 100% gratuit du Benelux, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel avec Plug RTL. Info cityparade.be. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien. Donc, trois... Il y a un problème? Ouais. Comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Taste the feeling.

One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Allez, dans un instant, on aura des séjours bien-être, ce sera juste après ça. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. On est les premiers sur le coup, vous allez pouvoir entendre le son de Parakeets maintenant, un groupe de français, une bande de potes avec Save Me, c'est ce qui débarque maintenant sur Fun, welcome. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again, you told me how to fly. Drop my hand, save me, save me. Shoot me down, blow me down, save me, kill me. Shoot me down, blow me down, save me, save me. C'était deux Parakeets sur Fun Radio, encore une grosse nouveauté avec Save Me, on va enchaîner avec Mo, Final Song. Il y aura aussi du Kongs, Zero, et puis le son de Clean Bandit, tout ça c'est après l'infotrafic maintenant dans la PIA War. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. On fait des coucous à Patrizio de Charleroi de la friterie Alba qui est de retour. Ça, c'est l'auditeur le plus fidèle de Fun Radio. Ouais, et d'ailleurs, on va manger des frites chez toi quand tu veux. Je suis en plein régime, boulette. Mais bon, finalement, on s'en fout du régime. On peut faire une petite exception, hein, ça sera notre petit secret. Patrizio, on fait des gros bisous. On fait des bisous aussi à Mélanie, à Ju qui est là. Merci d'être à l'écoute de l'Happy Hour. Justement, on va voir comment ça se passe sur la route avec Mister Jacobus. Ah ben, c'est presque le retour de travail. Donc, le bordel recommence déjà maintenant. je vois partout ici le E40 à Aix-la-Chapelle en direction de Liège. Ouais. Un petit accident qui bloque toute la voie de droite. J'espère que c'est pas trop grave parce que c'est. Sinon, il faut voir le côté positif. Tu es déjà à la chapelle. Hein. Non, c'est nul. Ici, je vois un accident aussi sur le 42 à Saint-Vite, direction de Spa. Bah, ça va pas vite. Il est fort. Oh, tombe, elle a pris mon blague. J'allais dire, encore un qui roule trop vite. Des ralentissements à la place Poulard, parce qu'ils ont fermé le tunnel Louise, oui, qui est toujours pas ouvert. Et ici, je vois un accident sur le ring extérieur à Jette. Oui, c'est un qui chassait des Pokémon et qui a pas vu arriver Salamoto. Il est en forme, hein, monsieur Jacobus. Courage si vous êtes sur la route et que bah, c'est un peu le bordel. Hein. Bientôt la reprise. Bah ouais. Et t'imagines, c'est que les vacances, c'est déjà le bordel, quoi. Partout, toujours. Eh bah bravo, courage. Merci d'être à l'écoute de l'Happy Hour. Dans un instant, on va se faire l'Happy Game. Il y a du cadeau à la clé si vous avez envie de profiter d'un petit séjour bien-être direction les thermes de Grimbergen avec un massage du crâne, un massage des petits petons. Oh oui, ah ouais, massage des pieds, ça c'est bien. C'est un peu aphrodisiaque d'ailleurs. Hein. Bah, je savais que c'était une femme qui aimait bien qu'on touche les pieds. Moi j'aime bien les pieds. J'aime bien les petits massages aux pieds. France Info, peut-être que c'est votre cas aussi. Hein, peut-être que vous kiffez les massages. Moi je connais des gars qui payent pour lécher des pieds. Oh non. Vous voulez que je mette en contact? Mais quoi, ils te lèchent tes pieds, ils te payent. Mais non, mais je veux pas. Mais arrête tes conneries. Non, là on va vous masser les pieds. On va pas les lécher. C'est promis. Il y aura un massage du crâne, un enveloppement du cœur. Du cœur. Tu vois, tu peux dire des conneries. Un enveloppement du corps avec des fruits rouges, un gommage du corps. Tout ça, c'est rien que pour vous et la personne de votre choix. Si ça vous dit de repartir avec ce cadeau. Eh bien, vous envoyez maintenant beauté par SMS au 6322 et on se fait l'Happy Game dans quelques minutes sur Fun Radio. Avant ça, c'est Mo au Final 5 sur Fun. Accrochez-vous! Oui, dans la radio! Salut, c'est Bruno, on fait l'appel? Christina présente! Karina! Mika! Et Anto du JPI! Présent! Vachez, présent frère! Meryl! Nicolas du Web! On est là! Fonf, je suis là aussi! Salut, c'est Louzman! Elliot! Et ouais, je suis là! Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son dance floor. Dès le 29 août, Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. La rentrée scolaire avec le soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec le soir. Fun Radio. Fun Radio. Au bord de la plage, branchez sur Fun Radio. Quand vous écoutez Fun Radio, vous êtes en vacances. En vacances. Just stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes. Don't let this be our final song. Bonne soirée sur Fun Radio, j'espère que ça se passe bien. Moi c'est Audrey, si c'est la première fois que vous vous branchez sur Fun, merci d'être là. Il y a Fab. Présent. Il y a Alessandro qui est là. Alison aussi, la standardiste. Hello. Et puis bah vous évidemment, merci de vous être branché sur Fun. Il y aura le son de Kungs dans un instant. Je vous ai calé Diorro avec Bailar et puis le nouveau Black M qui va arriver dans quelques minutes. Je suis chez moi. Mais avant ça, c'est Kungs. Qu'est-ce que c'est bon? Don't you know? C'est ce qui arrive juste après Potin et Popotin. On s'assoit confortablement, on se relaxe et on ne pense plus à rien. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Ouais, ouais, on va tout savoir sur la Jet Set avec Fab, notre spécialiste des people. Exactement. Et pour en parler avec nous, en fait, on a Romina qui va parler avec l'équipe, qui s'incruste. Voilà, on est une famille sur Fun Radio. Ça va, Romina? Tout le monde, ça va bien et vous? Bah, ça va. Bah, Romina, tu fais une gerpine. Oui, c'est bien ça. Eh ben, c'est pas grave. Mais enfin, hey, excusez-moi, mais le gerpine, c'est un peu le Hucle de Charleroi. Hein. Ah bon? C'est les beaux quartiers. Ouais. Hein. C'est ça, Romina, je dis pas de bêtises. C'est hein. Ça, oui. Voilà. Bien ça. Là où il y a la Sainte-Rolande. Ouais, enfin, il y a quand même le mot pin dedans. Il y a quoi? Il y a le mot pin dedans. Et c'est pas très classe. Oh bon, du, ça veut dire quoi? Non, allez. Ah, je ne sais pas. Non, c'est sérieux? Ah bah voilà, ça y est, ça recommence. Mais enfin. Non, mais c'est un truc malsain ou pas? Ah oui. Pin, ouais, ouais. Pin, ouais, ça va, j'ai compris. Mais moi pas, mais attendez, vraiment, c'est un truc. C'est une expression. Oui, ça... Romina, ça va aller. Quelqu'un lui fait un dessin ou on lui achète les DVD, la vie? La ouais, vie, la vie, vie. Une c'est... Pin. Pin. Pin. Redis-le à l'antenne d'ailleurs, une continue. Vas-y, vas-y, dis-le. Ça ressemble à quoi? Une pin, c'est quoi? C'est une pin, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais je me. Arrêtez mais de me regarder. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Ah, ben voilà, Romina. Bon, enfin, balance un truc que vous employez, vous, souvent, les femmes. On emploie souvent, nous, les femmes. Oui. Attendez, si quelqu'un sait ce que c'est une pin et qui écoute l'émission, dites-moi 3044 pour vos messages que je me sente un petit peu moins seule. J'ai mon compagnon juste à côté, il vient de me dire ce que c'était, enfin, si c'est bien ça. C'est un doudou. Un doudou. Vous aimez la. Bah voilà. Avant de vous endormir, chipotez un peu avec. Non. C'est pas ça. C'est un zigouigoui. Oui. Ah, oui. Ah, voilà, ben voilà. Et toi, tu me fais répéter. Vient de le dire. Bah, bravo. Et toi, tu me fais répéter ça à l'antenne, oui, toi, espèce de chacal. C'est ça qui est drôle. Bravo, quoi. Bon, on va plutôt parler des people. Tu vois, avec toutes ces conneries, bravo, quoi. Tu m'as fait dire des trucs. Mais je sais. Des insanités à l'antenne de Fun Radio, c'est scandaleux, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est un homme, c'est pour ça. On va parler de The Voice, Fab. On va parler de The Voice parce que Fab, bon, il est au taquet. Fab, il sait déjà qu'il y aura dans le jury, quoi, à la rentrée. Ah, de The Voice Belgique ou The Voice France Belgique. The Voice France, il négocie encore. Les cachets sont plus importants. Ah, tu m'étonnes. On parle de sommes d'argent, donc tu négocies plus longtemps. Non, là, on sait que Quentin Mosimane, il revient. Bah, il était déjà là, donc il reste. Biggie Scott, il revient aussi. Ouais. C'est une femme, hein, tu. On n'a pas de preuves. Le gars de Suarez, Marc Pinilla, il va revenir aussi parce qu'il avait gagné. Lui, c'est un beau gosse. Et t'en penses quoi, toi, Romina? Ouais, hein. Il est beau. Et Quentin Mosimane aussi, hein. Ouais, mais il a. Je vais pas trop en parler, mon chéri, elle a. Il a... Ah oui, c'est ça. Non, on veut la paix des ménages, tu sais, nous, Romina. Toutes les mêmes. Bon, il est mignon, Quentin Mosimane, mais il a des espèces de tatouages sur les coudes un peu bizarres. Étoiles, oui, mais on ne regarde pas ses coudes, on regarde la tête. Hein. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle dise autre chose, Romina. Tu m'as fait peur. Oui, je pensais qu'on restait sur le mode tout à l'heure, mais c'est pas grave. Du coup, il y a un petit nouveau alors dans l'équipe. Il y a deux nouveaux parce que Cats and Trees, et ils viennent plus. C'est ouais. Parti. C'est Romina. Attends, parce que Romina, tu nous entends ou pas? C'est oui, qui ça la tape. Y est, voilà. Ah, ben voilà. Non, c'est Big Flo et Oli qui vont prendre la place des membres du juré. Les et petits ouais, jeunes. Ouais, ouais, ouais. Attends, Big Flo et Oli, ça? Genre eux? Ouais. Ouais, mais attends, juste pour être sûr, on est d'accord que normalement le principe de The Voice c'est de juger de la musique. Oui, c'est ça. Un artiste. Non, mais alors ça va pas être possible. Bah si, ils font de la musique, hein. C'est de la musique. J'aime pas, moi, ça. Mais toi, t'aimes pas le rap, toi. Bah si, alors ça, c'est pas vrai. Ça dépend. Moi, j'aime bien MC Solar. On parle de rap, on parle pas de musique aussi. Eh, MC Solar, c'est un rappeur, hein, les gars. C'était. Il a arrêté de faire du rap quand il a fait Rabbi Jacob. 2016, y a plus rien de lui. Bon, eh, Romina, tu votes, toi, pour Big Flo et Oli dans le jury de The Voice Belgique? Entre les deux, en fait, j'aime pas trop Captain Sweet, j'aime pas trop. Donc ça va pas du tout. Bah quoi. Écoute, envoie un mail à la chaîne Romina et voilà quoi, qu'est-ce que je te dise. Qui vote pour Big Flo et Oli dans l'équipe Sandro? Non, c'est très bizarre. En fait, ils ont 23 ans aussi. Hein. En plus, ils sont jeunes, ils ont oui, pas ils ont, ils ont qu'un album et 2 ans de carrière. Et en fait, les internautes le prennent vachement mal. Il y a déjà plein de tweets qui ont été faits sur TheVoice.be, style. Non, mais après, et Oli, jury, ce qu'ils font, c'est sympa. Mais alors, de là à juger des artistes, c'est peut-être pas ça. Hein. Imaginons l'année prochaine, ouais. Audrey est jurée de The Voice. Enfin, tu vois, c'est improbable. Ça a beaucoup plus de logique. Déjà, elle rentre pas dans le fauteuil. Oh l'enfoiré. Ça, c'est allez fait. C'est bon, si moi je me barre. Romina, merci de te passer à l'antenne de Fun Radio. Tu vas faire quoi là cet après-midi, Romina? Écoute, là on va quitter un magasin et après nos courses maintenant. Eh bah écoute, bon shopping hein, Romina, tu reviens quand tu veux dans la pioire. On te fait des gros gros bisous. On va se faire le son de D-Hero dans un instant avec Bayard. J'en reviens toujours pas de ce que tu m'as balancé. Je suis sûr. Eh bah tu sais quoi, je vais me lancer le défi de rentrer dans le siège de The Voice. Vous allez voir qu'en m'appuyant un petit peu, ça va rentrer. Vous donne pas envie de faire des chorégraphies? Non. Mais si, allez, on bouge son corps. Ouais, c'est bah la fin d'après-midi. Tiens, je vais vomir là. Ouais, ouais. Allez, on je trouve ça quand même très Texas. Hein. Ben ouais, allez, yeah, qu'on m'apporte mon cheval. Allez, on va se faire le son de Diro avec Bayard. Bah ça aussi, ça fait vacances, hein. C'est cool. Avec Elvis Crespo. Pardon? C'est Elvis Crespo. Je l'ai dit en wallon, hein. T'as pas compris, fieux? Si, si, t'inquiète. Le vrai défi, c'est d'arriver à les supporter. Et c'est pas gagné. Le défi de trop sur Fun Radio. Ah bah ouais, c'est nouveau dans l'émission. Le défi de trop, on s'est dit, faudrait qu'on essaye de se lancer des défis de temps en temps dans l'équipe. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben on s'est acheté le livre des records. Et on s'est dit qu'on allait essayer de relever les défis qu'il y a dans le livre. Et essayer, brillante idée. Essayer d'en battre. C'est surtout ça. Essayer de faire mieux. Mieux que ceux qui ont réussi à battre ces foutus chaud, records. Hein, parce que c'est les mecs qui sont super entraînés dans le livre des records. Ouais. Et aujourd'hui, en plus, le record qu'on va essayer de réaliser après le son de D-Hero, c'est de mettre un maximum de claques. Alors attends, je réfléchis vite fait à qui je vais pouvoir mettre des claques. Ah bah non. Fab. Ah ok, magie. Alors le record est de 725 claques. Mais tu 725. Vas pas me tarter 725 le fois. Le tout en moins d'une minute. Non mais c'est une blague. Je vais tenter, et on va changer de temps en temps de l'équipe. Je vais tenter de relever le défi juste après. D-Hero sur Fun, ne bougez pas. Bonjour. Alors qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, trois... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit?

Bonnes vacances sur Fun Radio, la suite du son, c'est avec Clean Bandit que ça se passe. Mais d'abord, il est question de souffrance dans la Power. Ben il y a ceux qui cherchent des solutions à de vrais problèmes. Eux se demandent encore comment on fait ses lacets avec des mouches. Trop dans la Power. Ouais, on a décidé qu'on allait se lancer des défis dans l'équipe et en l'occurrence essayer de relever les défis des records du monde. On a acheté le livre et on a regardé un peu les défis qu'il y avait dedans. Et je suis tombée sur un défi, ma foi, bien sympa, qui est d'essayer de mettre un maximum de claques en moins d'une minute. Il y a un Américain qui a relevé le défi, il s'appelle Kent French, et il a réussi à mettre 725 claques en moins d'une minute. Mais c'est impossible. On va essayer en moins d'une minute. Donc je vais essayer de relever le défi, d'accord? Sandro, t'as pas un petit chrono d'une minute là? Mais bien évidemment. Tu nous dis. Tu vas me taper à moi? C'est ça. Ok, mais tu vas doucement parce que le but c'est d'être rapide et pas de taper fort. Bah, je te jure, je t'en retourne une moi. Mais non, Fab, c'est un défi, tu peux pas. Je te tape dans le ventre. C'est pas une bagarre, c'est on relève un défi. Mais je dis ça à mes réflexes primaires. Allez, attention, tu me dis Sandro, quand je peux y aller, tu fais un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, Fab. 1, 2, quelqu'un compte? Non. Allez. T'as trop vite. Attends, j'ai mal aux mains. On est qu'à 15 secondes. J'ai mal aux mains. Attends, papa, vas-y. Attends, il est tout rouge. Il est tout rouge. Retire tes mains, je dois y arriver. On est à 600. On dit qu'on est à 600. Là, on doit au moins être à 700. Allez, plus que 30 secondes, 30 secondes, courage. Allez, Fabien, ici. Non, arrête de me taper. Espèce de lâche. Allez, viens. Allez, oh mon dieu. Allez, 20 secondes, 20 secondes. Arrête de me taper. Je vais te taper, moi aussi, mais non. 10 secondes. 10 secondes. Pas pour dire que t'es prêt. Mais on va continuer, surtout. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, la dernière. Excusez-moi, mais c'est parce que la tête de femme. Du coup, Ribéry, on doit recommencer parce que personne n'a compté. Non, non, non, c'est bon comme ça. Je pense que j'étais au moins à 700 là. Ouh, ça va, Fab? Non. Non. J'ai pas tapé fort, tu rigoles ou quoi? Non. Bon, on dit que le défi est relevé ou pas? Oui. Bon, je pense qu'il faut le remettre en jeu. C'est parce que le problème, c'est qu'on n'a pas compté du coup si vous étiez à l'écoute de l'émission. Est-ce que vous pensez que j'ai battu le record de 725 claques en moins d'une minute? Par contre, tu m'as crevé un tympan. Moi, j'entends plus rien. Allez-y, dites-moi 30-44 pour vos messages. Est-ce que j'ai battu le record? J'attends vos messages pendant le son de Clean Bandit maintenant sur Fun. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get hide away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me down, and I'll get over you. These tears will get me through, and I'll get over you. minutes sur Fun Radio, on aura des séjours bien-être à vous filer. Direction les thermes de Grim Bargain. Je vous explique comment choper le cadeau juste après les infos maintenant sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, les infos, mais il faut d'abord que Carlo termine sa bouchée, n'est-ce pas, monsieur grignote et tout ça, il se fait plaisir. Ah là, cool, tranquille. Tu me dis, Carlo, hein, tu es prêt? Tu as avalé, c'est parfait. Vas-y, Carlo, les infos, c'est à toi. Hello, Audrey, salut à tous. Vous sonnez sans doute de la grève des gardiens de prison, hein, vu qu'elle a été du genre interminable, même qu'on n'a pas tout à fait fini d'en entendre parler. En tout cas, de ces prolongements, puisque le SPF Justice vient d'interjeter appel contre tous les jugements contraires intervenus durant cette grève et qui condamne l'État à verser à 150 détenus de 300 à 1000 euros par jour. Bah, vous pensez bien que l'État n'a pas vraiment envie de filer autant d'argent à ces gens, pas le moindre copèque en fait. Le SPF Justice conteste que les droits fondamentaux des détenus aient été violés. Les premières audiences auront lieu le mois prochain et les procédures devraient se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. À propos de l'État belge, j'ai deux gros sous. La Belgique est censée retrouver l'équilibre budgétaire en 2018. Voilà ce qui est prévu et voilà ce qu'attend la Commission européenne. D'ailleurs, le problème, c'est que ça va vraiment être très, très, très difficile. D'ailleurs, c'est pas compliqué. L'EMR et le CNV n'y croient plus. Et les autres partis du gouvernement font tout juste semblant d'y croire encore un tout petit peu. Il faut donc s'attendre à un report du retour à l'équilibre. Et il y a des problèmes avec l'Europe, donc, hein, qui va falloir expliquer pourquoi ce qui était considéré comme possible il y a 4 mois ne l'est plus aujourd'hui. Ça va être d'autant moins facile que la Belgique vient d'échapper de peu à une punition due à son niveau d'endettement. Le télétravail a de plus en plus la cote. Le nombre de personnes qui bossent depuis chez elles en Belgique a augmenté de 21% en 5 ans, ce qui est loin d'être insignifiant, même qu'en 2015, ça a concerné près de 600 000 salariés sur un total d'un peu plus de 3 700 000 travailleurs. Paradoxalement, le boulot pratiqué à son domicile privé l'est moins dans le privé que dans le secteur public. Et l'augmentation est la plus forte en région bruxelloise avec une hausse de plus de 30%. Ça c'est très bien, hein, mais il faudra plus que ça pour venir à bout des embouteillages Maus auxquels la capitale a droit au quotidien. Si vous n'êtes pas allé faire votre plein d'essence hier, bah c'est un petit peu con vu que les prix ont augmenté aujourd'hui, aussi bien pour la 95 que pour la 98. Et j'en profite pour rappeler qu'à partir du 1er janvier, la Super 95 va disparaître au profit d'un nouveau biocarburant produit à partir de blé, de maïs ou de betteraves sucrières. Le dossier de la semaine dernière dans le magazine Moustique était consacré à tous ceux qui sont accros au sport, une vraie drogue avec donc des aspects négatifs, mais il ne faut pas oublier les gens qui sont accros au sport à la télé et qui vivent une difficile période de sevrage maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, mais ça ne durera que quelques jours, alors c'est à vous, puisque l'US Open de tennis s'apprête à débuter, même que les qualifs c'est à partir d'aujourd'hui déjà, avec pas moins de 10 Belges en lice, 6 hommes et 4 femmes. A priori, ceux qui ont le plus de chances de se retrouver dans le tableau final sont Steve Darcy et Alison Van Uytvanck, tous deux têtes de série dans ces qualifications. Fun. Fun Radio. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, vous avez probablement loupé ça, mais on a essayé de relever un record du monde, faire 725 claques en moins d'une minute sur Fab. Fab qui est parti se rafraîchir le crâne parce que j'ai tapé sur son crâne. Vous étiez combien frappé? On est toute seule. Ah, puissance. Et il y a un auditeur qui me dit que c'était pas assez fort. Est-ce qu'il a encore sa tête, Fab? Est-ce que tu as ta tête? Tu confirmes? Plutôt, mais j'ai des morceaux. Oh, le pauvre. Bon, on se refera ça très vite dans l'émission. Tout à l'heure, on aura du cadeau aussi, direction les thermes de Grim Bargain. Tout ça, ça arrive après la météo. Ouais, qu'est-ce que j'ai encore dans une heure? Quand moi j'avance, toi tu recules. La canicule. Comment veux-tu profiter de la canicule? C'est ça. Effectivement, plus de 30 degrés demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il fera très chaud aussi. Et puis lundi, semaine prochaine, changement de programme. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'André et du son de Boosty. Salut. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une année. dépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vite, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non, j'ai pas une vie droit. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Quelques minutes sur Fun Radio, on va se faire le nouveau Black M. Mais avant ça, c'est Raïs Trefi qui débarque avec Bam Bam. Ouais, c'est pas... Non mais excusez-moi, en fait ça, je vous explique... Tu te sens plus toi. Non, je vous explique pourquoi je craque. C'est parce que 18h, c'est l'heure de quoi ? De l'apéro. Ouais. Alors d'habitude, vous savez que ma petite, mon petit péché mignon, c'est le Red Bull. Bah oui, le Red Bull et des chocobons. Voilà. Sauf que je viens de troquer tout ça pour des légumes avec de la sauce cocktail. Donc psychologiquement, j'ai du mal là. Tu vois, c'est. Est-ce que c'est meilleur ou pas ? Je ne sais pas, mais je me je dis. Pense pas, non. Non, attends, me dis pas que je suis en train de manger des légumes alors que c'est pas meilleur. Tu vois, à un moment donné, je vais devenir agressive. Bah, par contre, vas-y, mollo sur la cocktail quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais... Bah, c'est à dire que pour le moment, c'est de la sauce cocktail aux légumes oui, c'est et ça, pas des légumes à la sauce cocktail. Mais écoute, la transition se fait tout doucement, d'accord ? Ne m'énerve pas. D'ailleurs, qui a commencé un régime ici pour la rentrée? J'y ai pensé. Non. Tu y as pensé, mais tu l'as c'est pas fait. C'est déjà pas mal. Kéké du standard. Non, moi jamais. Moi. Non, Alison. Moi oui. De toute façon, les filles, ça fait toujours régime, ouais. Fab. Moi j'ai déjà fini. Moi. T'as déjà fini. D'accord, ouais. C'est très bien. Bon, et courage à vous d'ailleurs si vous êtes en plein régime. On a un truc pour vous détendre si vous avez envie d'aller vous faire dorloter, un petit séjour bien-être, une cure estivale. Direction les thermes de Grimbergen. Pour ceux qui ne voient pas où c'est à Grimbergen. D'où son nom. D'où son nom. Parce que si c'était les thermes d'ailleurs, ils auraient mis un c'est autre. Ça. Voilà, c'est pas logique, con. Hein. Non, non hé, sérieusement, vous allez vous faire. Mais dorloter d'un truc de malade. Hein. Parce qu'il y a un petit enveloppement, un traitement aux fruits rouges, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça fait grossir les fruits. Ça dépend pas quand on l'éparpille sur ton corps, tu vois. Parce que là, c'est, on va t'envelopper d'une crème aux fruits rouges, tout le corps, l'ensemble du corps. On va te mettre dans un papier. Un peu comme une papillote, tu vois. Voilà. Quand tu fais un poisson en papillote, c'est un peu pareil. D'accord. Sauf que là, on t'enveloppe dans un traitement aux fruits rouges. On va te masser ton crâne. Les pieds, le visage pendant 50 minutes et puis gommage pendant 25 minutes. 25 gommage. Minutes de gommage. Tu ne sais pas ce que c'est ? Si, si, si, toi, ils vont gommer sur les côtés, les bourrelets. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est une espèce de petite crème avec des petites billes dedans et alors ça retire les peaux mortes. Comme ça, t'as une peau douce, une peau de bébé après, moi, j'ai c'est pas génial. De peau morte, moi, j'ai que des mais peaux si, vivantes. Tout le monde a des peaux mortes, commence pas. Si vous voulez aller au terme de Grimbergen, vous allez pouvoir profiter des infrastructures. Il y a des saunas, il y a des hammams, il y a des versements. Vous allez pouvoir vous faire un gommage aussi dans les saunas. Bref, c'est le pied. Vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez beauté par SMS au 6322 et on tire quelqu'un au sort dans quelques petites minutes. Pendant ce temps-là, on se fait un souvenir. Vous vous souvenez, LMFAO, ça c'est bon. Et juste après, RAIS Trefi, comme promis, c'est Bam Bam sur Fun. And in the club we light it up, 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your food like Mardi Gras. They call me Red Foo. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spread on a body or two. Then walk out the party with a body or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Showers, popping in the club, we light it up. 80 hour, I said champagne showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Key to butter, I got rum nights unknown. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Showers, popping in the club, we light it up. 80 hour, I said champagne showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour. Party people, now I want you to grab your bottles, put them up in the air. Now shake, shake, shake that bottle and make it. Fun Radio, le son Dance Floor. Bon bon, happiness is bon bon. Can't get it, I just speak on. I don't matter me, can't. dans le gaz comme ça, on n'est pas bien réveillé, alors moi j'ai le truc qu'il vous faut pour vous remettre la patate comme on dit en wallon, c'est le son de Tiësto et John Legend maintenant que je vous cale pour la suite du son Dance Floor sur Fun Radio. Wouh, il y aura aussi le nouveau Black M, Je suis chez moi, tout ça ça arrive après le coup de pouce dans la Power. Le coup de pouce. Et donc ? Et la machine ne marche plus. Ah bah bravo, c'est encore Sandro qui a mis ses moufles, il s'est pas appuyé sur les boutons. Non, hein, ça ne marche ça, c'est à cause de la chaleur, ça, la machine elle est pétée. Attends, vas-y, on va refaire un test. 3, 2, 1. Maintenant, c'est le coup de pouce. Ah bah voilà. À côté d'eux, les experts ont l'air ridicules. L'Happy Hour avec Audrey vous file un coup de pouce. Ouais, mais ça c'est parce que je pense qu'il a compris, la machine a compris que c'était un coup de pouce pour Fab. Du coup, elle a fait no. Ça va pas être possible, ouais, ce n'est pas la peine d'insister. Je cherche même pas une meuf, rien de compliqué quoi. Ouais, c'est vrai, pour une fois. Parce que maintenant que Fab a trouvé l'amour, ouais, vous savez, ce n'est plus le même homme. Ouais, sauf que maintenant, Fab a un problème avec un lapin. Oui, un lapin. Ça m'apprendra à... Bah oui, le petit lapin, d'accord. Comme dans les Looney Tunes. C'est bien de sentir qu'on est une équipe là, vous vous soutenez, vous foutez pas du tout de ma gueule. Fais une carotte, petite musique pour toi. Non, je veux pas de carotte, pourquoi je veux des carottes, mais arrêtez quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le lapin? Écoute, l'autre jour je suis avec ma copine, on sort de chez moi, on dit on va aller au cinéma et tout. Et en arrivant vers la voiture, on voit plus bas, donc moi j'habite dans une longue avenue et il y a un grand parking en longueur devant moi. Ouais. On voit plus bas des gens qui s'arrêtent, qui ouvrent leur coffre, qui sortent un truc. Qu'il le pose par terre et puis qu'il se bat. Mais un truc quoi, une caisse ou une machin? Une grosse cage. Moi de loin, je voyais pas trop bien ce que c'était, mais ça avait l'air d'être un gros bas qui sont mis à deux. Donc moi, je me dis, ah, t'as vu les gens, ils jettent n'importe quoi. Et quand je passe devant, on s'arrête, on regarde. Et en fait, c'était une cage avec un lapin vivant dedans. Il y avait un petit mot. Lapin a donné un nom, il s'appelle Noisette. Oh, Noisette. Les gens l'ont laissé là dans la rue. Oh non. Ma copine, qui est une fervente défendrice des animaux, a dit on ne peut pas le laisser là, on doit le prendre. Ah bah oui. Ah bah, donc, hashtag il faut sauver Noisette. Voilà, donc on n'a pas été au cinéma, mais on a ramené le lapin à la maison. Quoi, t'as pas été au cinéma à cause de ça? Ah, parce qu'attends, il a fallu ramener le lapin, voir s'il avait mangé, le nourrir, nettoyer sa cage, trouver des trucs le soir pour le nourrir. Pour l'occuper. J'ai des chiens à la maison, donc tu pouvais pas laisser le lapin tout seul avec les chiens. Donc il a fallu s'occuper de lui, cette pauvre petite bête qui était laissée dehors. Non, moi je sens que tu ne partages pas du tout l'avis de ta copine et ça m'attriste. Bah disons qu'elle l'aime beaucoup plus que moi le lapin. Et donc moi j'ai dit écoute, on peut pas le garder. Fab, c'est comme dans une compétition, il n'en restera qu'un, c'est toi ou le lapin. Et j'ai l'impression que ça va se passer c'est comme ça. Hein. Et ça fait deux semaines que le lapin est là. Ouais. Et là, comme ma copine est en vacances, je voulais en profiter pour le donner à quelqu'un en fait. T'en débarrasser. Mais t'as, il c'est a raison. Une vanne. Ah non, mais c'est ça où je le fais à manger quoi. Oh, ah donc t'es comme ça toi. Pendant que ta copine elle est en vacances tranquillou, tu vas te débarrasser de Noisette. Ouais. D'accord. Non mais écoutez, c'est bien, hein. Ça montre bien l'homme que tu es, espèce de lâche. Mais je peux pas le garder moi. Mais pourquoi non, mais parce que c'est pas toi qui réveille toutes les nuits. Bah, il est hyper mignon, c'est pas ça. C'est un gros lapin brun. Ouais. On dirait un petit chat en fait, tellement il est gros. Ouais. Et il est tout doux, il est tout chouette. Mais la journée il fout rien, la nuit le mec il fait on dirait qu'il invite des gens, il fait des fêtes. Alors il réveille les chiens qui se mettent à aboyer comme des deux cons là, et moi je suis là au milieu, je voudrais dormir. Et c'est quand la date? La date de? Bah pour manger le lapin. Non mais non. Ah, écoute, elle revient samedi, donc il faut que je m'en débarrasse avant samedi. Bon, et quoi, du coup tu voudrais que quelqu'un l'adopte? Oui, un resto chinois. Non. Bon, et si quelqu'un est intéressé par le lapin, il a quel âge? C'est un petit ou c'est un... Ah, j'en sais rien, moi j'ai trouvé dans une cage. Bah demande-lui, excusez-moi. Je sais même pas si c'est un garçon ou une femelle quoi. T'as pas regardé? Bah bravo. Bon, et si quelqu'un veut un lapin, qu'on aide Fab un petit peu dans cette émission, on est une équipe, on est une famille, hein, Fun Radio. Allez-y, vous nous envoyez un petit message au 3044, on sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. On cherche une famille pour Noisette. S'il vous plaît, hashtag il faut sauver Noisette, on peut pas le laisser comme ça. On compte sur vous pendant ce temps-là. Nous, de notre côté, on se fait Tiësto et John Legend. Et puis, bah, juste après, il y aura l'appel bourré de Fab. Bougez pas. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio.

Le nouveau Liam Summers, c'est ce que je vous cale pour la suite. Mais avant ça, il faut qu'on vous explique quelque chose. Fab n'est pas content, Fab est en colère, Fab est déçu, Fab est meurtri. Oui, tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout on va ça. Se faire l'appel bourré de Fab dans un instant. Vous savez, Fab, il boit un coup de trop et puis bim, il commence à embêter un peu les gens. Sauf que là, il s'est passé quelque chose, mon Fab. Tu es allé en vacances en France cet été. Inadmissible. Ouais. Et t'as voulu demander de la mayo et on t'a servi autre chose. Ces gens sont des sauvages. Les Français ? Oui, oui. Parce que quand tu vas, c'est... McDonald's. Ouais, McDonald's. Voilà. Et que tu prends un menu, que tu dis je veux la Pimille parce que j'aime bien le jouet. Alors, j'ai reçu les frites et mon coca, ça va. Le burger, ça va. Après, j'ai dit avec la mayo, s'il vous plaît. Et la serveuse, elle a rien dit. Elle m'a donné un truc. Sauf qu'ils n'ont pas de la mayo. C'est quoi ? Ils ont de la sauce frite. Ah ouais, la sauce pomme frite en c'est France. Pomme frite, c'est dégueulasse. Ouais. Tu connais pas, Sandro ? C'est le truc qui remplace la mayo. Et ça, la pomme ? Il n'y a rien qui remplace la mayo. Okay. Ah, bon, ça va, il s'énerve celui-là. Ah, il a raison. Non, mais alors, c'est vrai que même moi, quand je vais en France, parfois ça arrive et que tu demandes de la mayo qui te sert ça, franchement, c'est de l'arnaque quoi. Ah, mais je vais plus en France, mais non, je fais des détours, je passerai sur le côté. Je ferai un détour par Cuba et puis je rejoins sur le Nouveau-Mexique. D'accord, mais... ok, parfait, c'est tout prêt quoi. C'est en ligne droite, vol d'oiseau, ça se fait quoi. T'es prof de géographie ? Non. Ah bah, tu te tais. Bon, on va appeler McDonald's en France et on va régler nos comptes dans un instant. On se fera ça dans quelques petites minutes. D'abord, il y a le son de Cachemire qui arrive maintenant côté son Explore. On va se faire unique aussi et puis je vous rappelle qu'on cherche toujours une famille pour Noisette, le chat de Fab. Non, pas un chat, c'est un lapin, pardon. Un petit lapin brun que Fab a recueilli, mais il voudrait s'en débarrasser pendant que sa copine est en vacances. Donc, si vous voulez un petit lapin, n'hésitez pas. Vous envoyez votre message au 3044 et on vous l'envoie par la poste. Hein. Bougez pas, là, on se fait Cachemire maintenant. Bienvenue sur Fun Radio. Take a spin, wanna take a ride. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your Might take your diamonds, but I'll steal your heart. Hi, this is Unique. You're listening to Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance floor. Dance floor. Oh, I got mercy, mercy, mercy. Money, them men a party, party, party. They all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want see, want see, want see. Only he can make me higher, higher, higher, higher, higher. Bang bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches mais que tu m'imagines. Et je slalom entre toutes tes belles paroles. Je laisse les mythos sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Party, party. They all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me wantsy, wantsy, wantsy. Only he can make me higher, higher, higher, higher, higher. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole. Non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau cette fois. Je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh là là, mercy, mercy, mercy. Money, them men a party, party, party. The other them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me wantsy, wantsy, wantsy. Only he can make me. Ah là là, quelle voix unique, sérieux. Elle aussi dans un autre genre, hein, Cheat Codes. Et quand on nous balance des sons comme sexe sur Fun Radio, qu'est-ce que tu veux, complètement un câble ici. Ça va arriver dans quelques minutes, ça sera juste après le coup de pouce. Petit garçon, Obama rêvait de devenir président des États-Unis. Un matin, il nous a passé un coup de fil. Et voilà, yes, we can. Le coup de pouce de la Piawa. Hey, je reçois des messages bizarres sur mon téléphone. Vous vous souvenez de Jean-François des infos qui était dans le matin là, avec Eva de la Tribune? Oui, oui, oui. Ah, bah, Jean-François vient de nous envoyer un message, vient de m'envoyer un message et il me dit, attention, oh que j'aime ta voix, et attention c'est pas fini, et ce fab, envoûtant. Mais Jean-François, c'est un monsieur? Oui, c'est ça. D'accord. C'est le journaliste de la matinale de Fun Radio, moi je aussi, pense, je Fab, que tu as une petite touche avec notre JF. Mais ça passait bien le courant entre nous. Moi, j'ai senti ça. Il y avait une espèce de comment on appelle ça? Une complicité, une alchimie. Voilà. Osmose. Eh bah, pas de problème, on va vous mettre ensemble. On va arranger un date hein, maintenant que ta copine est en vacances en Turquie et que t'es tout seul. Bah, il a 3 jours pour profiter. Ah, bah voilà, Jean-François, le message est passé. T'as 3 jours, top chrono. Bon, pendant ce temps-là, parce que c'était quand même pas le truc du jour, trouver un amoureux à Fab, mais c'était plutôt de caser le lapin. Là, il y a deux choses qui sont casées. Pour ceux qui viennent, pour ceux qui viennent de se brancher sur Fun Radio, tu rappelles ce qui s'est passé avec ce fameux lapin noisette? Bah, je sortais de chez moi et il y a des gens qui ont sorti d'un coffre une grosse cage avec un lapin vivant, le laissant là au milieu de la rue. Donc moi, j'ai pas pu le laisser. J'ai un cœur. Non, rectification. Un cœur. Non, non, non. Ta copine n'a pas pu le laisser. Qui était dans la voiture et qui, parce que comme les vitres sont transparentes, elle l'a vu. je t'avais dit de pas mettre des vitres transparentes. C'est ça, quoi. Tous les automobilistes ils font la même bêtise. Et donc elle me dit, on peut pas le laisser là. Bah non, bien sûr. Tu veux que je roule dessus comme ça? C'est. Ah, on va le mettre dans le coffre. On va le ramener à la maison. Et voilà. Hop. Et du coup, maintenant, tu te retrouves avec un petit lapin prénommé Noisette, un gros lapin tout brun, tout mignon, tout plein, mais que t'as pas envie de garder, c'est ça? Non. Espèce d'homme sans cœur. Bon, t'as de la chance. On t'a trouvé quelqu'un qui est intéressé par le lapinou. Et c'est Eric d'abord qui me dit par SMS au 3044, moi je veux bien le lapin si la copine vient avec. C'est fou, bon ou pas? À mon avis, quand j'aurai donné le lapin et qu'elle va le savoir, elle va suivre hein. Ah, tu vas te retrouver célibat, mon vieux, tu fais le malin, mais t'inquiète, il y a Valérie de Bruxelles qui est vraiment intéressée par le lapin par contre. Salut Valérie, ça va? Salut, bien et toi? Bah super Valérie, toi au moins t'as un cœur, c'est pas comme Fab hein? Bah non, pas du tout, j'ai un cœur. Ah bah voilà, magnifique, tu es intéressée par Noisette alors? Super. Oui. Ça fera 500 euros. Non, je rigole. Mais c'est peut-être un lapin de race, hein, qui sait. Ça se trouve, c'est un lapin, tu vois, qui vaut une blinde. Et les gens ne l'abandonnent pas dans la rue alors. Mais parce qu'ils savent pas non mais plus, tu vois. Oh, attends, et t'es prêt à donner combien pour le lapin? Mais enfin, on avait dit qu'on le donnait. Et moi, je vais acheter une cage, hein. Et ben, son ancienne était trop sale. Et ben, c'est le bonus. Voilà. Voilà. Valérie, le petit lapin noisette, c'est pour qui? C'est pour toi? Bah, c'est surtout pour mes enfants. Ah. En fait, on avait rien à manger ce soir et du coup, j'ai pas envie de faire les courses. Ça, c'est horrible, les gens qui font ça. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un resto et qu'ils te présentent la bestiole et puis tu vas la manger après. Genre, ils font tout le temps ça avec les homards. Ouais. Ouais. Oui, mais l'homard, ça va, mais. Mais non, ça va pas. Mais quoi, t'imagines... ça a des sentiments comme tous les animaux, les homards, hein. Ouais, bah, voilà. Ça a une âme. T'imagines... C'est un petit cœur. Tu es au resto, le gars, il prend le lapin par les oreilles. Oh alors, non. Vous voulez celui-là ou alors plutôt un beige? Eh, mais c'est comme au Japon, ils font ça avec les singes, ils les mettent dans une table, ils calent la tête et ils cassent le cerveau, enfin ils bouffent la cervelle. Ils cassent le crâne. C'est vraiment triste. Vivant. Bon, et on est... c'était une belle histoire là, on a trouvé une famille pour noisettes, pourquoi est-ce qu'on dévie sur ça? C'est n'importe quoi. Valérie, tu nous donnes ta parole par contre. On va s'arranger hors antenne pour t'envoyer Noisette, le lapin de Fab. Mais par la il poste. Nous faut d'abord. Mets la main sur le cœur, Valérie. Ok, voilà. Tu dis, je sous-signais moi Valérie. Je sous-signais moi Valérie. Garantie de prendre soin de Noisette. Garantie de prendre soin de Noisette. Pour la vie. Pour la vie. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et je peux vraiment. Il n'y aura pas au restaurant chinois. Parfait. Je peux vraiment vous faire faire n'importe quoi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme vous dites. Valérie, mais Noisette, il est pour toi. Ouais. Ouais. Merci, Valérie. Bon, hey, par contre, tu nous enverras des petites photos de Noisette, hein, parce que Fab, tu sais, ça va le rendre triste de plus le voir. Hein. Oh, d'accord. Pas tant que ça, tu fais. Valérie, je te fais des gros bisous à toi et à tes petits bouts. Tu reviens quand tu veux dans la PIO. Ouais. On me dit, il pèse combien de lapins pour les portions de ce soir? Vous êtes vraiment ignobles, sérieux. On va se faire le son de Cheat Codes maintenant, comme promis, avec Criss Cross. Il y aura aussi l'appel bourré de Fab, parce que si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, on a une dent contre McDo. On a demandé de la mayonnaise au McDonald's de France et ils nous ont filé de la sauce pomme frite. Salopard. Bah voilà, on va régler ça, ça va pas se passer comme ça sur Fun, bougez pas. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Salut, c'est Bruno, on fait l'appel. Christina présente. Karina. Mika. Et Anto du JPI. Présent. Vaché présent, frère. Meryl. Nicolas du web. On est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vaché. Le JPI, le choc des générations. Le paiement de vos factures et du son dance floor. Dès le 29 août, Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Oh mince, c'est la rentrée et Julien vient de se faire piquer son vélo à une soirée. Je lui prends quoi? Un vélo de ville? Bah non, on habite à la campagne. Un pliable? Oh, il va quand même pas le plier. Oh je sais, je vais acheter une petite mobilette. Ah voilà. Oh qu'est-ce qu'il va être fier de pouvoir monter derrière son papa. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bancontact, le mode de paiement préféré des Belges. Bancontact, ça c'est sûr. Je paie moins cher, tu paies moins cher, il paie moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de tout installer ? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Basic Fit, c'est beaucoup plus que biceps et six-packs. C'est surtout se sentir bien. Et pour seulement 19,99€ par mois. Deviens membre maintenant, fais du sport gratuitement jusqu'au 1er octobre et reçois un sac de sport. I feel Basic Fit. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. It's been here all along. I until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes that I've been. Sur Fun Radio. C'est du belge qui arrive pour la suite sur Fun Radio avec Liam Summer. Liam Summer qui était dans les studios de Fun Radio, hein, c'est un peu, bon, on peut dire un peu grâce à nous qu'il en est là. On est super fiers pour lui. Liam Summer, il arrive dans quelques minutes. Boire ou conduire, il faut choisir. Fab, il a choisi. Allez, j'ai soif. Il passe des coups de fil. C'est l'appel bourré de Fab sur Fun Radio. Et on a des comptes à régler avec McDonald's en France. Parce que mon petit Fab, il est allé en vacances chez nos voisins français. Ouais. Et puis, il a demandé des frites au McDonald's. Tout ça, c'est normal. Il a demandé aussi de la mayonnaise. C'est quand même la base. Là, c'est logique. Sauf que ils t'ont pas donné de mayonnaise. Non, c'est ces gens, ils ont un truc qu'ils appellent mayonnaise. C'est de la sauce frite. La sauce pomme frite, ouais, je sais. C'est un espèce de... Je sais pas quel goût ça a, mais on dirait un truc yaourt avec des... Enfin, je sais pas, Kéké, t'as déjà mangé, toi, ça? Ouais, Kéké du standard. C'est une sorte de béarnaise avec une tartare, comme ça. Ah. Non, mais de toute façon, les frites, c'est avec de la mayo, c'est logique. C'est... Ouais. Tu prends une femme, c'est des cheveux et des nénés, eh ben la frite, c'est du sel et de la mayo. La comparaison, quoi. Non, et en plus, moi, je suis déjà allée à un McDo en France où j'ai demandé de la mayo. Je dis, vous en avez? Ouais, ouais, pas de problème. Et en fait, on loue, ils te glissent la sauce pomme frite et ils font... Tu vois, genre, c'est pareil. Ouais. Non, qu'ils non, ont non, des stocks, qu'ils essayent de liquider en loose day. Ouais. Mais nous, on est au courant de tout. Du coup, on va appeler maintenant dans un McDonald's en France. Et ça Fab, tu règles tes comptes, hein, ça, d'accord ça. Oui. Allez, c'est parti, on fait sonner. Ça met longtemps à sonner quand même. Hein. C'est loin, la France. Hein. C'est ça, quoi. Faut qu'on se connecte. Hein. C'est quand même à côté. Hein. Bon, alors, ça sonne ou pas? Ah, ben ah. Voilà. Première sonnerie. Merci, Fab. C'est pas un jeu. Je suis occupé. Bah, c'est bonjour, madame. Allô. Vous pouvez... Oui, bonjour. Oui, voilà. Je vous appelle parce que je voudrais porter une plainte, s'il vous plaît. Comment? C'est pour déposer plainte, madame. C'est pour? C'est pour une plainte, de verbe une plainte. Plainte. Oui. Alors, vous-même, vous êtes au McDo, en fait. Oui, je sais. Je suis venu manger chez vous tout à l'heure, madame. Ah, et j'ai pris un Happy Meal et j'ai demandé avec mes frites de la mayonnaise. Et vous m'avez donné de la sauce frite. Oui, c'est ça. Et bah, c'est dégueulasse, la sauce frite, madame. Moi, je viens de Belgique. Les frites, ça se mange avec de la mayonnaise. Ah bah, je suis désolée, mais moi, je peux pas faire grand-chose pour vous. Ah bah si, il faut mettre de la mayonnaise, madame. Non, mais c'est quoi, allez, c'est quoi la prochaine étape? C'est de la bière sans mousse? Ça va être des ça va être des sushis sans riz. On plaisante pas avec ça, madame. Chez nous, les frites, c'est sérieux. C'est les frites. Monsieur, vous comprenez. J'ai autre chose à faire, j'ai des clients à servir, donc je vous souhaite une bonne soirée. Non. Si vous avez une plainte, vous pouvez appeler le siège ou envoyer directement une lettre. Je vais pas téléphoner un fauteuil, madame. Sur ce, bonne soirée, monsieur. Non. À bientôt, au revoir. J'ai pas fini, madame. Les frites, vous comprenez, ça a besoin de mayonnaise. Elle a raccroché. Elle parle plus. Oh. Bon, hey, tu sais ce qu'on va faire, Fab. Ne t'inquiète pas. Tu sais, ici sur Fun Radio, on va défendre ta cause, on va défendre la mayonnaise. Hashtag je suis la mayonnaise, ouais, les gars. Ouais. Ça va pas se passer comme ça. On va rappeler McDonald's et tu sais quoi, on va trouver une solution. On va leur envoyer nous-mêmes un paquet de sauce mayo. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses. Et on va vraiment l'envoyer. On ira jusque-là s'il faut. Mais il y aura de la mayonnaise dans les McDonald's ouais. En France. C'est non, pas possible, vrai. Ça. Merci. Ça vous énerve pas, ce genre de truc, vous, de l'autre côté de la radio? 3044 pour vos messages. Vous êtes plutôt du camp mayo ou plutôt pommes frites? On attend vos messages pendant le 100e summer sur Fun. Memories on my mind, I think of you all the time. Thought I wanted to leave, but I just can't. Maybe we crossed the line, I want you near for the night. Boy, come over here, say my name. I can't deny I'm tripping, got me so high, I'm falling, I'm falling. Now I'm in your bed, somehow say that I wouldn't, but I can't. avoir appelé McDonald's avec Fab. Il est pas content, il veut de la mayonnaise. Ou quoi, avec mes frites. Hashtag non, je suis la mayo. On appelle McDo juste après les infos. Et ça rime. Et les infos, c'est avec Carlo sur Fun Radio. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Volkswagen n'en a pas fini avec les problèmes. Problèmes dont la célèbre firme allemande est responsable, d'ailleurs, en tout cas lorsqu'elle triche. Hein, je ne reviendrai pas ici sur le scandale des moteurs truqués, mais figurez-vous que la production de la Golf est interrompue dans l'usine historique de groupe à Wolfsburg parce que deux fournisseurs ont arrêté leur livraison de pièces pour les boîtes de vitesse ou d'accessoires de siège. C'est qu'ils en ont marre, les fournisseurs, marre du fait que BMW profite de sa position dominante pour exiger des tarifs réduits, des conditions de fabrication et de livraison de plus en plus difficiles. Les tribunaux ont pourtant ordonné aux équipementiers de reprendre ces livraisons, mais rien à faire. Ces deux derniers ont déposé un recours et tout ça coûte évidemment cher à la firme. Il doit réaménager sa production et réduire le temps de travail de 28 000 personnes. En à peine une semaine, le manque à gagner est de 100 millions d'euros avec 15 000 Golf en moins à mettre sur le marché. Notez que ce qui se passe avec Volkswagen se passe ailleurs, hein, comme l'explique un spécialiste, c'est notamment pareil avec Ahold Delhaize, qui fait pression sur ses fournisseurs pour demander plus de réduction. En France, 7 personnes en lien avec des réseaux terroristes ont été arrêtées au mois d'août, dont 3 au moins préparaient une attaque dans un pays qui a déjà beaucoup donné hein, en matière d'attentats. Et le nombre d'individus liés à des réseaux terroristes appréhendés depuis le début 2016 équivaut à la totalité de l'année passée. Voilà ce qu'a déclaré le ministre français de l'Intérieur. Alors arrêter des terroristes potentiels, c'est très bien. Ce qu'il est déjà moins, c'est de devoir restreindre ou supprimer des festivités traditionnelles, comme ça a été le cas en France un petit peu partout cet été, ou comme ça le sera encore dans les semaines qui viennent, avec notamment la fameuse braderie de Lille. Ça, ça fait plaisir aux djihadistes, et ce qui fait plaisir aux djihadistes, c'est pas bien. Aux États-Unis, Hillary Clinton, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, a participé hier à une émission de télé, une émission de divertissement, même qu'elle a déclaré que lors des débats télé à venir avec son adversaire républicain Donald Trump, elle s'attendait à tout et à n'importe quoi de la part de l'imprévisible homme d'affaires, même qu'elle se prépare à des choses dingues, ce sont ses propres mots. Notez que ce qui serait dingue, c'est que Trump refuse de participer aux 3 débats inscrits à l'agenda, comme il l'a laissé entendre. Et ce serait dingue parce que ces émissions sont très regardées, donc susceptibles de convaincre les électeurs indécis, alors que Donald est fort en retard dans les sondages. Il a dit si ces débats ont bien lieu, ils risquent d'être plutôt folkloriques, hein, vu que le magnat immobilier a récemment traité Mme Clinton de crapule, mettant également en doute son état de santé. On va régler nos comptes avec McDonald's en France dans un instant. Sur Fun Radio, on se fera ça après le son de Justin Timberlake et puis de la météo aussi, mon Carlo. C'est quoi le programme? Une semaine caniculaire, hein, surtout à partir de demain, où le mercure devrait dépasser partout la barre des 30 degrés. Ce sera pareil jeudi et vendredi. Et on va pas trop se plaindre. Hein. Après tout, ça ne va pas durer très longtemps. Dès lundi prochain, les conditions seront très différentes. Voilà, le prochain rendez-vous info en ce qui me concerne, c'est demain midi. À tous, une excellente soirée. Je vous laisse avec Audrey et le son de Justin. C'est avec Audrey et le son. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. pushing on. I don't need no reason. Don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Jusqu'à 20h, on est en direct avec vous sur Fun Radio, avec toute l'équipe qui est là. Moi c'est Audrey, on fait les présentations. Il y a Fab, présent. Alison, la petite nouvelle. Salut. Le kéké du standard, présent. Et puis Sandro qui est aux manettes de l'émission. C'est l'Happy Hour d'Audrey. D'accord. Bonjour. J'ai bien. On peut le remettre une deuxième fois. Faut quand même savoir que le gars, pendant le générique de l'émission, la petite musique que vous venez d'entendre, il nous fait des chorégraphies. Ah moi j'aime bien, je chante, je danse. On va tout de suite abandonner l'idée, laisse tomber. Bon, on était en plein règlement de compte là avec McDonald's. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, en gros notre pauvre Fab, pauvre petit Fab, est allé en vacances chez nos voisins français. Alors il a commandé un Happy Meal. Ouais, parce qu'ils aiment bien le jouet. Bah oui, c'est ça. Les jouets toujours. Fille ou garçon le jouet? Les garçons. Garçon, ah, là, tu rigoles pas. Hein. Donc du coup, il a commandé son Happy Meal avec le jouet garçon et puis il a demandé des frites et là, c'est le drame. Il a demandé de la mayonnaise et à la place, on t'a donné quoi, mon Fab? De la sauce frite. Ouais, sauce pomme frite. Dégueulasse. Ça, c'est un truc de français, c'est un concept purement français, quoi. Ça, c'est. C'est dégueulasse. Qui a déjà eu le coup ici autour de la table? Bah, moi. Le kéké du standard? Ouais, moi j'ai le coup. Ouais. Mais alors, ça fait quoi? Ça fait mal. Hein. Mais franchement, c'est dégueulasse. Alors, ils disent oui, on a de la mayo, Enfin, rien du tout. Ouais, quand tu ouvres ton paquet, c'est sauce frite. Mais c'est ça, ils nous disent ouais, on a de la mayonnaise. Et puis, bim, tu te retrouves avec cette sauce qui n'a rien à voir avec de la mayo. Mais peut-être que pour eux, c'est ça de la mayo. Eh ben non. Peut-être qu'ils n'ont pas de la vraie mayo. Hashtag je suis la mayonnaise. Hashtag je défends la mayo. Hashtag vous allez arrêter vos conneries. Bah ouais, je m'en fous. On est tous un peu la mayonnaise en Belgique. Ça va, monsieur? On a appelé McDo tout à l'heure. Ils nous ont raccroché au nez. C'était pas sympa. C'était pas très bien. Du coup, on va rappeler, c'est reparti. Oui. On appelle Fab, tu fais tout ce que tu peux, mais il faut que tu nous casses de la mayo au McDonald's en France, hein, d'accord? T'inquiète, je suis désolé. Tu es notre petit poulain. Vas-y, Fab. Attends, d'abord, je vais boire pendant qu'il fait sonner. Je dois boire. L'appel bourré de Fab, c'est parti, on fait sonner. Tu dis, c'est encore moi. Ça va pas se passer comme ça. Bah, c'est Mathieu, bonsoir. Oui, allô, bonjour monsieur, c'est moi encore. C'est j'ai téléphoné tantôt, mais on a coupé. J'ai pas compris. Je dis, c'est moi, c'est Fab. Je vous rappelle parce que vous avez raccroché tantôt. J'ai raccroché, et en fait, je vous ai pas eu, moi, avant. Ok, d'accord. Alors, c'est peut-être pas de votre faute. C'est pour les sauces frites, c'est vous? Ah! Oui, monsieur. Ah, mais c'est ma collègue qui vous... Mais, m'a raccroché, parce que moi, je viens de Belgique, je vous appelle de l'association des amis de la frite. On va lancer une pétition, parce qu'on peut pas vous laisser faire des choses comme ça. C'est pas nous qu'il faut appeler pour traiter ça, hein. C'est le clown que vous mettez sur les photos. Ronald, vous voulez que j'appelle Ronald? Moi, je vais lui dire, hein, au nom de la frite, je t'arrête. Parce que si je reviens avec un paille mayonnaise, c'est pas bien. Ah, vous êtes passé, il n'y a pas de mayonnaise, c'est ça? Ouais, vous m'avez donné des sauces. Ah, frites. D'accord, ah, j'avais pas compris. C'est d'accord. Dégueulasse. Attendez, je vous réexplique. Je suis venu manger. J'ai pris un Happy Meal. Très bien. Oui. Le jouet est très chouette. Monsieur, vous, éclaté. Vous êtes passé quand, monsieur? Aujourd'hui? C'est matin. Je me suis éclaté avec le jouet. Vraiment très chouette. Très bien le jouet. Mais ouais. Après, j'ai demandé à votre collègue. Elle m'a dit, vous voulez du ketchup ou une sauce? Et j'ai dit oui. Oui. Parce que ouais. Fab, il aime bien la sauce. J'ai dit, je veux de la mayonnaise. Et elle m'a donné ce truc infect de sauce frite. Et monsieur, je sais pas si vous savez, mais une frite, elle peut pas vivre sans mayonnaise. Mais c'est comme... le petit verre qu'on vous a donné, non, c'est ça? Pardon? C'est le machin vert, là, qu'on vous a donné. Ouais, on dirait que ça a été pré-mâché avant. Monsieur, si vous donnez des frites sans mayonnaise, c'est comme si vous faites des sushis sans riz. C'est ridicule. Regardez. Moi, j'aime bien les frites, hein. Mais quand je veux des bonnes frites, je les prends pas au McDo, hein. Oh, c'est ça. Hey, vous aimez bien les frites aussi. Je savais que j'étais tombé sur un copain. Alors, écoutez, à deux, on va faire changer ça. Hey, parce que les frites, ça va, mais c'est la sauce qui donne. Ouais, mais là, j'ai pas trop le temps, en fait, monsieur. Je peux pas rester pendant longtemps au téléphone. Je suis désolé. Bon, et comment faire pour la mayonnaise? Je suis désolé que la mayonnaise, elle vous plaise pas. Mais nous, après, c'est la mayonnaise qu'on nous donne et qu'on est obligé de vendre avec nos frites. Après, bon. Oui, c'est vrai que des fois, ça plaît pas à tout le monde. Vous savez quoi? Moi non plus. Comme vous êtes gentil et que vous êtes un amateur de frites aussi, eh ben, donnez-moi votre adresse, je vais vous envoyer de la mayonnaise de Belgique. Non, c'est bon. Non, je vous remercie, ça va aller, monsieur. Comment ça? Non, merci. C'est ça que vous, vous aimez pas vraiment les frites, hein. Je suis désolé, hein. Non, mais ouais. Bon, enfin, ouais. Bon, je vais vous laisser. Monsieur, bonjour. Oui. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Ouais. Je suis désolée, on se devait de vous appeler. C'est quoi ces conneries, quoi? À un moment donné, il faut de la mayo, faut pas déconner, hein. Ouais, je sais, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Bah ouais, mais quand même qu'on va vous envoyer un paquet de mayo, ça sera pour Fun Radio Belgique, c'est cadeau, d'accord? Okay. On vous fait des gros bisous, vous avez été super sympa en tout cas. Ciao. J'adore. Quand même, le gars, je pense à un moment donné qu'il a dit que les bonnes frites, c'était pas au McDo, c'est ouais. Ça? Ouais, et j'espère que son patron n'écoutait pas. Je sais, quand le monsieur a dit ça. Bon, allez, on va quand même, tu prends l'adresse du McDo et on va envoyer un paquet de mayonnaise. Hein. Comme ça, on pensera à tous les Belges qui partent en vacances en France, terminés de devoir manger cette sauce pommes frites, c'est fini tout ça, voilà, ça appartient au passé. Merci Fab, grâce à toi tu as sauvé l'honneur de la mayonnaise. Tu peux compter sur moi. Tu sais que je suis limite émue, quoi. C'est un grand moment qu'on vient de vivre sur Fun Radio. On va sur le son de Milo maintenant, côté son dance floor, et juste après Jason Derulo. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. Fun Radio. Hey, yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, Ollie, you that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets, woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo! Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of. What your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply trade it. Then I take it out, tape it off, eat it, ate it. Love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Come on. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Love it when you do it like that. Just a little. Il est belge et on le soutient à fond ici sur Fun Radio. C'est Alex Jermis qui arrive avec Sweet Afterglow. Il y aura aussi DJ Snake et Justin Bieber. Vous l'avez découvert ici en premier sur Fun Radio. Tout ça, ça arrive après le top 3 maintenant dans la Power. Tu sais compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Parfait. T'es prêt pour le top 3 sur Fun? Ouais, et un top 3 spécial pour tous les célibataires qui écoutent peut-être Fun Radio. On va vous dire pourquoi au final c'est bien d'être célibataire. Vous êtes tranquille. Ben c'est vrai, parce que tout le monde s'efforce de rechercher l'amour. Ils veulent vivre à deux, se balader main dans la main, faire des petites doudous. C'est parce que c'est le sens de la vie, ça, Fab. Mais non ! Pourquoi ? Pourquoi il faut absolument avoir quelqu'un ? Mais parce que c'est cool de faire des petits poutou-poutou dans le cou, de faire... Tu vois, genre par exemple, ça c'est purement technique, mais pour les filles qui regardent un chouette DVD, eh ben c'est bien de pouvoir s'installer sur le petit bidou de son mec. Attends, déjà parenthèse, tu peux pas regarder un chouette DVD avec une fille. Parce que quand tu regardes un DVD avec une fille, c'est la fille qui choisit le DVD. Et la fille, elle veut toujours voir un film avec soit Cameron Diaz, ou une comédie avec Cameron Diaz, avec ou un autre film avec Cameron Diaz. Et puis pendant le film, elle te regarde en faisant « Mon cul, il est comme le sien ?» Non, si ton cul est comme le sien, tu seras à sa place à la télé, ton cul, il est 4 fois comme le sien. Je te sens aigri, Fab. Oui, parce que moi, j'ai fait qu'un top 3, là, des raisons de rester célibataire. Moi, j'aurais pu faire un top 100 tellement j'en ai. Carrément. Ouais, bah, commence déjà par je vais faire te ton donner, top 3, déjà, vas-y, mets-moi ma musique, Sandro, t'es gentil. Numéro 3. Ouais. Tree, en ah anglais. Ouais, carrément, il y a le budget. Déjà, parce que tu fais des putains d'économies. Son anniversaire, la Saint-Valentin, Noël, les... Hein, je voudrais trop un nouveau sac. Hein, chérie, j'ai plus rien à mettre dans la garde-robe. Regarde, hein, je voudrais des chaussures. Non! Tout cet argent, tu l'économises, tu le gardes pour toi, tu t'achètes des jeux vidéo, des t-shirts Star Wars et tu bois de la bière. Mais ça, en fait, t'es en train de nous raconter ta life, en fait. Ah ouais, ça. Numéro 2. Parce que t'es plus obligé de relever la cuvette quand tu vas aux toilettes. Il y a plus personne qui vient te faire chier pour ça. Non. Si, tu peux en mettre partout. Tu peux le secouer dans tous les sens, arroser les murs, le sol. Oh, regarde, c'est jaune. J'aime bien le jaune, moi. Qu'est-ce que tu m'emmènes? Non. Ça, je m'offusque complètement contre ce concept. Arrêtez d'en mettre. Mais levez cette foutue planche, quoi. Mais c'est quoi votre problème? Et c'est comme. Alors, ça aussi. Parce que j'en ai un à la maison, je le sais. Vas-y. Quand le rouleau... J'en ai un à la maison. Allez. Quand le rouleau du papier cul est terminé. Ouais. Mais changez-le, bordel. Arrêtez de le laisser comme ça. Après, nous les filles, on passe derrière, on est obligé de le changer nous-mêmes. C'est quoi votre problème, sérieusement? Bah, y a pas de problème vu que vous le changez après. Mais c'est ça. Il est là le problème, je te jure. Numéro 1. Et enfin, la meilleure raison, c'est quand tu rentres tard le soir, y a personne qui t'attend en tirant à la gueule dans un vilain peignoir en pilou. Un intercepteur, si que tu rentres. Je rentre quand je veux. Et si tu te sens seul la nuit, c'est pas grave. T'allumes ton ordi, tu te branches sur YouPorn. Enfin. YouPorn, c'est un vrai ami. Il est là tout le temps. Il te soutient. Et lui, il fait pas la gueule quand tu sens la bière. Oh non, c'est horrible. Il y a Patrizio qui nous dit être célibat, c'est se payer des cadeaux à nous-mêmes. Mais ça va aller, bande d'égoïstes, sérieux. Moi, je dis vive les couples. Voilà, quelle personne me suit? Non. Je me sens un petit peu seule. Bon, on va faire le son d'Alex Jarmis. Maintenant, le top 3 sera de retour demain dans l'émission. Il y aura DJ Snake aussi. Et puis du cadeau avec l'Happy Game. Si vous voulez aller vous faire dorloter, direction les thermes de Grimbergen pour une petite cure estivale, vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez beauté par SMS au 6322, tirage au sort avant 20h. Bonne chance tout le monde. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016, le plus grand événement 100% gratuit du Benelux, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, 2 podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel, avec Plug RTL. Info, cityparade.be. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte, et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Il a trouvé une tête de Pikachu, lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Huawei P9 Lite à seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Crashing waves, but I wanna see them at first light after a long night. And see the sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. And ooh, you're working so hard. she gon' start wine up. Love how she smile when the room crawl up. Baby, you're full of action like twilight. You're not dead like nine, girl. Bubble like champagne or Sprite, girl. All night me a geared up. Sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know I had to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Fun Radio. Fun. DJ Snake et Justin Bieber. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Ah bah franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le duo entre DJ Snake et Justin Bieber, je valide. Quelqu'un valide ici ? On valide. Allez, c'est parti, on continue avec le son de Lost Frequencies dans un instant. Il y aura aussi Sac Noël, tout ça, ça arrive après. L'Happy Game maintenant sur Fun. L'Happy Game, le jeu où tu peux gagner un cadeau, voire deux. Voit rien du tout. Ah mais ouais, c'est le bon choix. C'est un peu comme le kit ou double en gros, c'est-à-dire que on a du chouette cadeau à vous filer là toute cette semaine. On vous envoie au terme de Grimbergen pour une cure estivale. Vous allez pouvoir profiter des thermes. Il y a tout, hein, sauna, hammam, piscine. Il y a une partie nudiste, partie avec bikini. Vous faites ça. Ça il faut choisir votre camp. Soit vous allez montrer votre bikini, soit vous le cacher. T'es plutôt du style à le montrer, toi. Non, non, je vais pas le montrer. Je vais regarder le chez les autres. Ah tiens, petit voyeur, toi. Exactement. Ouais, bah, bravo, Fab. T'es plutôt de quel camp, toi? Moi je voudrais bien le montrer, mais on le voit pas. Je cherche encore. Non, mais ça, c'est le ventre qui passe par-dessus. Voilà, exactement. Non, mais je connais. Enfin, tête je connais. De dos, tu connais. Ça sent le vécu. Tu le cherches aussi, Audrey? Donc, on connaît le style de mec d'Audrey, quoi. C'est les petits gros. Dont on voit pas zigouigoui. Penche toi en avant, mon chéri, je vais regarder par derrière. J'aime bien. Ça, c'est fait. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est ce que tu as dit. Et donc, au téléphone, on a ton copain. Ah, allô, bonsoir. Non, mais laisse tomber. On a plutôt Gustavo. C'est mieux comme ça qu'il vient de Bruxelles. Mais c'est son vrai prénom. Foutez-lui la paix. Il ça va, Gustavo chance. Lima. Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, rien de spécial, je viens de rentrer de la maison, du travail là. Ah ouais, et ça a été le boulot, ouais. C'était bien. Ouais, ça a été tranquille. Ouais, tes collègues ont pas été casse-bonbons comme les miens. Non, ça a été. Ah, je suis déçu, il s'appelle Gustavo, il a pas d'accent. Non, ouais, mais tu dois parler un peu. Non, j'arrive pas à faire l'accent. Non. Vas-y, fais-toi bah, l'accent portugais un peu. Pucaray. Ah, Pucaray, Gustavo, pourquoi tu parles pas comme ça? Le pauvre. Bon, Gustavo, on a une première bonne nouvelle, c'est que tu repars avec tes accès direction les termes de Ring Bargain. Ouais, tout nouvel, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bon, Gustavo, Gustavo, je sais plus comment je t'appelle. Non, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Bon, Gustavo, on se calme. C'est encore plus vilain. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux, non mais oh. Parce que là maintenant on va se faire l'Happy Game ou pas. Gustavo, tu as deux choix. Soit tu peux décider de repartir avec tes deux accès direction les termes de Grimbergen, ça c'est déjà gagné. Ou alors tu les remets en jeu. Tu pourras du coup repartir avec 4 accès si tu gagnes le petit jeu, si tu gagnes au jeu qu'on va faire face à Cartouche. Quelqu'un de l'équipe. Alors Gustavo, qu'est-ce que tu décides? Tu pars avec ton cadeau ou tu le remets en jeu? Je vais doubler pour 4 entrées. Ah ouais, doche, quoi, doche, la vache, Gustavo. Monsieur aime vivre dangereusement, parfait. Alors je t'explique le jeu. Maintenant sur Fun Radio, tu vas devoir jouer au jeu du chiffre. Je vais penser à un chiffre et tu dois essayer de le deviner. Tu vas affronter quelqu'un de l'équipe. Tu as le choix, tu veux affronter qui? Fab, Kéké ou Sandro? Oh, Kéké. Kéké, le kéké du standard. Donc chacun votre tour, vous allez me donner un chiffre. Et celui qui arrive à trouver le chiffre auquel je pense dans ma tête, eh bien sera le grand gagnant. Si c'est toi, tu repars avec tes 4 accès. Si c'est Kéké, tu perds tout, d'accord Gustavo? Bonne chance, okay. D'accord. On est d'accord? Allez, c'est parti. Je pense ouais. Au chiffre. Tu peux me proposer un truc, toi, en premier. Vas-y. Le 3. Le 3, c'est plus. Le 18. C'est moins. Le 7. C'est plus. Le 8. C'est plus. 14. C'est moins. Le 10. C'est plus. 13. C'est moins. Le 11. C'est plus. C'est 12. Oh, oui, oui, oui. Bravo, bravo, bravo, bravo. Gustavo, félicitations, tu repars avec tes 4 cures estivales direction les termes de Grimborgas. Ouais. Gustavo, tu raccroches pas, on va reprendre toutes tes coordonnées et à toi le d'accord, bien-être merci. Absolu. Gros bisous Gustavo et merci. Rassurez-vous là pour tous ceux qui n'ont pas gagné, je sais, vous êtes en train de faire la tête, bah c'est pas la peine parce qu'on a encore plein de cures estivales à vous offrir pour aller tester les termes de Grimbergen. Vous pouvez déjà vous inscrire maintenant, ça comptera hein, pour toute la semaine. Vous envoyez maintenant beauté par SMS au 6322. Il y aura encore du cadeau dans quelques petites minutes si vous restez avec nous sur Fun Radio. Juste le temps de faire le son de Sac Noël et puis avant ça, c'est Lost Frequencies sur Fun. I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Follow. En fait, Lost Frequencies, à la fin, il n'avait plus d'idée, il s'est mis à siffler. Voilà, plus d'idée de parole. C'est du belge, on est fiers de Lost Frequencies. On le soutient à fond ici. On va enchaîner avec le son de Sac Noël et Salvi. Et Sean Paul. Enfin, il oubliait celui-là. Trumpets, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Ce sera juste après Potin et Popotin maintenant. Des stars, leurs aventures, leur vie. Le rêve quoi. Le tout raconté par Fab, c'est Potin et Popotin dans la Happy Hour. Et là tout de suite, c'est moins le rêve. Hein. Je peux savoir pourquoi appeler Bah non, c'est même pas vrai, parce qu'en plus de ça, t'es tellement au taquet que t'as les infos avant tout le monde. Et ça, c'est beau, mon Fab. En plus de ça, on va parler de The Voice aujourd'hui. Ouais, tu veux connaître ou pas le nouveau jury de The Voice? Ah, les choses sérieuses commencent. On connaît, ça y est? Ouais, bah t'as été balancé? Moi, je le connais en tout cas. Oh, avant tout le monde. Ah ouais, donc faut être gentil. T'as traîné dans les coins. Alors, dans le désordre, Quentin Mosiman, il revient. Ouais. BG Scott, il revient aussi. Bah, elle reste quoi, elle était déjà là. C'est ça. Ah, c'est elle? Bah oui, BG Scott, c'est celle qui a l'accent un peu comme ça et qu'on comprend pas bien ce qu'elle dit. On est sûr que c'est une femme? Bah en tout cas, t'iras vérifier toi-même. D'accord. Marc Pinilla de Suarez, il revient. Oh, ça c'est bon ça. Oui. Et par contre, Catson Trees, c'est fini. Mais ils sont remplacés par un autre petit duo. Un autre duo? Ouais. Attends, vas-y, on va essayer de deviner. Un autre duo. Donne des indices, vas-y, balance. On essaie. Français, jeune. Français, jeune. Français, jeune. Un duo? Rap. Peu de duo. Rap. Rap? Non, je sais pas. Donne la première lettre. B. Big Flo et Oli. Bravo. Mais par contre, c'est une vanne? Non, je suis sûr que c'est vrai. Alors, c'est clair que l'annonce, elle a fait un peu polémique là, parce que les auditeurs, quand ils ont vu, les téléspectateurs, quand ils ont vu le truc sur Twitter, ils ont envoyé quoi, Big Flo et Oli jurés dans The Voice, vous avez oublié la crédibilité dans l'histoire, c'est quoi le bordel? Aïe. Les gars, ils ont un album, ça fait deux ans qu'ils font de la musique, et ils sont jurés. Enfin. Mais pour ceux qui voient pas ce que c'est, Big Flo et Oli, c'est ça. Moi je trouve que c'est encore cool. Bon, c'est vrai que c'est le truc qui fait polémique, c'est parce qu'ils sont jeunes quoi, c'est ça. Parce qu'ils sont jeunes et puis qu'ils ont pas assez de bouteilles derrière eux. Bah ils ont fait un album je crois. Un album ouais en deux ans, bah, ça fait deux ans qu'ils font de la musique les mecs. Aïe. Bon enfin ça va, en même temps ça va mettre un petit coup de frais quoi, tu vois. Ouais, mais bon, à côté de BJ Scott et tout, un peu de jeunesse. Enfin, moi, je pense que... j'aime bien BJ Scott mais Et Quentin Mosiman. Ah oui, c'est vrai, lui aussi il est méga jeune. Bah voilà, c'est bien Quentin Mosiman et Big Flo. Moi je pense que c'est surtout pour attirer des téléspectateurs parce que les audiences de The Voice les deux dernières là, elles étaient en chute libre. Et ben grâce à Big Flo, je suis sûre que ça va remonter. Ça revient quand The Voice? C'est toujours vers janvier, non? Eh ben, ce sera vers janvier. Alors. Eh ben, on sera au taquet, voilà. On les supporte, Big Flo et Oli, voilà. Merci, Fab, pour les infos. Tu reviens demain avec d'autres petites indiscrétions? Oui, je pense que oui. On se fait ça. Avant ça, c'est Sac Noël et Sean Paul maintenant. Et puis, si vous avez envie de faire la fête, eh ben, restez bien là parce que c'est Party Fun qui débarque à partir de 20h avec tous les plus grands DJ qui seront au platine. Il y a Oli d'ailleurs qui sera à l'animation et Oli qui est déjà en train de traîner dans les couloirs. Viens, mon petit Oli. Avec un joli t-shirt avec des petits palmiers dessus, tu es de toute beauté mon Oli. Mais oui, tu as bien bronzé cet été. Merci. Vrai. Et j'adore parce qu'il n'est pas du tout arme, tu vois, il fait oui je sais, je suis magnifique. Oli, vous allez le retrouver à 20h avant ça, c'est Sean Paul sur Fun. Yo, c'est la gal avec des big tic tac, j'ai fait gimme des, head to the floor gal, gimme des, bend over girl and gimme des, spit down to the ground, seismic activity, spin round me girl and gimme des, top wine girl and gimme des, body look fine girl, gimme des, coming out with some time girl, gimme des. Money look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Money body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent president. Trumpets blow. Sur Fun Radio, la suite c'est avec Jonas Blue, que ça se passe, Perfect Stronger. Je vous ai calé aussi le son de Chainsmokers, et puis bah, c'est déjà à l'heure de se dire au revoir les copains. Oh, faites pas genre, vous êtes contents de vous barrer pour aller prendre l'apéro. Ouais, je suis sûr que vous êtes tous en mode barbecue. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y avait plus d'auditeurs qui nous écoutaient. Vous êtes déjà en train de prendre l'apéro tranquille, en terrasse, machin. Et bah nous aussi maintenant, voilà. Plus de jaloux. Merci d'avoir écouté la Power, c'était cool. On se donne rencard demain à partir de 17h. Et on vous laisse avec Party Fun en mode fiesta sur Fun Radio. À demain. À ciao, demain, ciao. À demain, ciao. Ciao. Accrochez-vous! Oui, dans la radio! Salut, c'est Bruno, on fait l'appel? Christina présente! Karina! Mika! Et Anto du JPI! Présent! Rachet, présent frère! Meryl! Nicolas du Web! On est là! Fonf, je suis là aussi! Salut, c'est Louzman! Elliot! Et ouais, je suis là! Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son Dance Floor. Dès le 29 août, Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC, ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Il faut qu'on soit des mecs en place. Il faut grave un correspondant. Mit Grossen Nichonen. Quoi? Et voici Sacha Bruggen. Je suis sûr que vous allez être les meilleurs amis du monde. Et c'est qui la gothique qui boit de la bière? Je te présente Sacha. On a un gros problème avec la petite Boche. T'as pas pu faire l'espagnol, toi? Retrouvez Jimmy Labeu dans Le Correspondant le 24 août au cinéma. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. All the girls like, said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rep, yeah. Bust that skank. Ain't nobody messing with the gang. Might take a flight out for the weekend, yeah. And go can, cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them at the polo. Now I'm with the man them at the polo. I could make a honey give away a lost rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like, I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get some. I know what boys like, I know what they want. So go ahead and push it right, that's what girls like. Yeah, rolling on the wrist, that's me, me. Man of the year, I'm flaky. Had a couple man won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting blows before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since you want me, she don't want a cocoa. So I made a single back like she want my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, looking it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like, I know what boys like, I know what they want. What they want. They want that good thing, they wanna get what they some. Like. I know what boys like.

Yeah.